Deux vers d'Alcée. Quel était ton désir et ta crainte secrète? Quoi? Le vœu de ton cœur, ta muse trop discrète, rougit-elle de l'exprimer? Alcée, on reconnaît l'amour à ce langage. Sappho, fin vainement que ton discours l'outrage. Sappho sait que tu vas l'aimer. Tu la voyais chanter, tu la voyais sourire, la fille de Lesbos. Sappho, qui sur la lyre répandit sa grâce et ses feux. Sa voix te trouble, Alcée, et son regard t'enflamme. Tandis que ses accents pénétraient dans ton âme, sa beauté ravissait tes yeux. Que devint ton amour? L'heure qui le vit naître l'a-t-elle vu mourir? Vénus, d'ailleurs, peut-être, emporta tes yeux fugitifs. Mais le parfum du cœur jamais ne s'évapore. Même après 2000 ans, je le respire encore, dans deux vers émus et craintifs. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.